Chapitre 5e. Retour de Lady Ongar. Sir Hughes ne partit pas le lendemain matin comme c'était son intention. Dans l'après-midi du même jour, il reçut un télégramme lui annonçant la mort de Lord Ongar. Il était mort à Florence le jour de Noël, dans l'après-midi, et Lady Ongar annonçait son intention de revenir aussitôt en Angleterre. « Pourquoi diable ne pas rester où elle est ?» dit Sir Hughes à sa femme. « On l'oublierait là-bas, et dans un an tout le tapage qu'on a fait à son sujet serait apaisé. »« Peut-être n'a-t-elle pas besoin qu'on l'oublie, » dit Lady Clavering. « Eh bien, elle devrait le désirer. Je ne m'inquiète pas de savoir si elle est coupable ou non. Mais quand une femme fait parler d'elle comme elle l'a fait, elle devrait se tenir à l'arrière-plan et s'effacer un peu. Je crois que vous êtes injuste à son égard. » « Sans doute, vous le croyez. Je m'y attendais bien. » Mais si vous prétendez que tout ce bruit se serait fait autour d'elle, s'il eût observé les règles de la prudence ordinaire, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Rappelez-vous quel homme c'était. Elle savait ce qu'elle faisait en l'épousant. Elle aurait dû le supporter tel quel en attendant sa fin. Une femme n'obtient pas 7 000 livres sterling de rente sans que cela lui coûte quelque chose. Mais vous oubliez que rien n'a été prouvé contre elle, qu'on n'a pas même essayé de prouver ses calomnies. Elle n'a pas quitté son mari un instant. Elle reste avec lui jusqu'au dernier moment. Il me semble que vous ne devriez pas être le premier à vous déclarer contre elle. Si elle voulait rester à l'étranger, je ferai tout mon possible en sa faveur. Elle veut venir et je crois qu'elle a tort. Je ne la recevrai pas ici, c'est tout. Vous ne croyez pas que je vais aller par le monde me faire son accusateur. Il me semble que vous pourriez l'aider à soutenir la lutte où elle est engagée. Je ne ferai rien de la sorte, à moins qu'elle ne suive mon avis et reste à l'étranger. Écrivez-lui maintenant et répétez-lui ce que je vous ai dit. Que diable avait-il besoin de mourir à ce moment-là? On ne suppose pas par hasard que je vais me renfermer chez moi en son honneur. Le baronnet demeura pourtant renfermé chez lui, mais un jour seulement, et le lendemain, il se rendit à l'endroit où il devait aller auparavant. Lady Clavering jugea à propos d'écrire un mot au presbytère pour informer la famille que Lord Ongar était mort. Son billet était adressé à Mrs. Clavering, et lorsque celle-ci en donna lecture, tous les visages revêtirent cette expression lugubre que les gens bien élevés se croient tenus de prendre lorsqu'ils apprennent la mort d'une personne avec qui ils n'ont eu que des rapports même insignifiants. À l'exception de Harry, tous les Clavering avaient été présentés à Lord Ongar et partant étaient tenus d'exprimer un sentiment ressemblant au chagrin. Appellera-t-on cela de l'hypocrisie? En ce cas, qui donc en ce monde n'est pas plus ou moins hypocrite? Quel est celui qui n'a pas une expression du visage pour accuser la tristesse devant les gens? Celui qui ne l'aurait serait aussitôt accusé d'inconvenance et d'insensibilité. « C'est bien triste, » dit Mrs. Clavering au recteur. « Pensez un peu. Il y a guère plus d'un an que vous les avez mariés. »« Quelle année ça a dû être pour elle ?» dit le recteur en secouant la tête. Son visage était sombre, car bien que dans son rôle de recteur il fût essentiellement bienveillant et indulgent, haïssant toute espèce de charlatanisme et se livrant peu aux invectives et aux anathèmes familiers à la profession cléricale, il avait cependant lui aussi une expression douloureuse qu'il prenait en chair pour déplorer les péchés de son peuple, une manière à lui et plein de douceur de prononcer les condamnations ecclésiastiques contre le pécheur. Il pouvait donc, au besoin, prendre un air solennel et imprimer à sa tête un mouvement mélancolique et tout cela plus aisément que les gens qui ne sont pas appelés à jouer souvent un pareil rôle. « Pauvre femme, » dit Fanny, pensant au chagrin de l'épouse pendant son mariage et à son précoce veuvage. « Pauvre homme, » dit Marie, frémissant à la pensée du triste sort de l'époux. « J'espère, » dit Harry d'un ton de voix un peu solennel, « que personne ici ne la condamnera sur les bruits qui ne sont parvenus. »« Et pourquoi la condamner ?» dit le recteur, « même s'il y avait autre chose que des bruits vagues. Mes enfants, ne jugeons pas les autres, si nous ne voulons pas être jugés. Pour ce qui la regarde, des liens étroits de parenté nous obligent de ne pas parler d'elle en mal, de ne pas même avoir d'elle une mauvaise opinion, à moins que l'évidence ne nous y force, mais autant que je sache, nous n'avons aucune raison de former d'elle une mauvaise opinion. » Il sortit alors, s'en alla donner un coup d'œil aux écuries du presbytère, et là, déposant son air grave, il alluma un cigare. 3 jours après, un second billet arriva de la grande maison au presbytère, et cette fois, il était pour Harry. « Cher Harry, lui écrivait Lady Clavering, auriez-vous le temps de venir me trouver ce matin? Sir Hughes est allé à North Priory. Tout à vous, M.C. Naturellement, Harry se rendit à sa demande, et chemin faisant, il se demandait comment Sir Hughes avait bien pu avoir le cœur d'aller à North Priory dans un pareil moment. Cet endroit était un rendez-vous de chasse à 30 000 de Clavering, appartenant à un grand seigneur que Sir Hughes fréquentait beaucoup. Harry regrettait que son cousin n'eût pas résisté à la tentation de faire une partie de chasse dans une circonstance pareille. Mais en même temps, il le devinait du reste, Lady Clavering ne lui avait parlé de l'absence de son seigneur et maître que pour lui donner à entendre qu'il pourrait lui rendre visite sans s'exposer à aucun désagrément. « Je vous suis bien obligé d'être venu, » dit Lady Clavering à Harry. « Je désire savoir si vous pouvez me rendre un service. » Et en disant ces mots, elle lui présentait un papier qu'il reconnut aussitôt pour une lettre venue d'Italie. « Je ferai pour vous tout mon possible, cela va sans dire, Lady Clavering. » Je dois vous dire que je ne sais trop si je devrais vous demander ce service. Ma démarche mettrait Hughes dans une affreuse colère, s'il la connaissait. Il est si déraisonnable et si cruel quand il s'agit de Julie. Il la condamne parce que, dit-il, il n'y a pas de fumée sans feu. N'y a-t-il pas de la cruauté à s'exprimer ainsi sur le compte d'une femme ? Harry était bien de cet avis, mais comme il n'aimait pas à parler mal de Sir Hughes devant sa femme, il garda le silence. Quand le télégraphe nous apporta la première nouvelle, reprit Lady Clavering, Julie nous annonça qu'elle avait l'intention de revenir aussitôt en Angleterre. Hughes est d'avis qu'elle devrait rester quelque temps à l'étranger, et moi-même j'incline à croire que ce serait le meilleur parti. Il m'a dit de lui écrire pour l'engager à rester où elle est. Il a déclaré que si elle vient, il ne fera rien pour elle. La vérité est qu'il ne veut pas la recevoir ici, car si elle rentrait dans sa maison, il serait obligé de prendre son parti si les mauvaises langues venaient encore à l'attaquer. « Voilà qui est une lâcheté, » dit Harry d'un ton énergique. « Ne parlez pas ainsi, Harry, avant d'avoir entendu la fin. Si Hughes croit ces choses, il a raison de ne vouloir avoir aucun rapport avec Julie. Il est très dur, et il croit toujours volontiers le mal. Mais il n'est pas lâche. Si elle était ici, vivant chez lui comme étant la sœur de sa femme, il prendrait son parti, quoi qu'il pût penser à son sujet. » Mais pourquoi aurait-il mauvaise opinion de sa belle-sœur? Pour moi, je n'en ai jamais pensé que du bien. C'est que vous l'avez aimé, et lui jamais. Bien qu'à vrai dire, il l'ait aussi aimé à sa manière. Mais voilà ce qu'il m'a dit de faire, et je l'ai fait. Je lui ai écrit de rester à Florence, jusqu'au retour de la belle saison. Je lui ai dit que, ne pouvant souhaiter de se trouver à Londres pendant la saison des bals et des fêtes, elle se trouverait mieux à Florence qu'ici. Et enfin, j'ai ajouté que Hughes lui conseillait aussi de rester. Naturellement, je ne lui ai pas dit qu'il refusait de la recevoir ici, mais c'est là la menace qu'il a fait entendre. Il n'est pas probable qu'elle veuille s'imposer là où on ne veut pas la recevoir. Non, elle n'oubliera ni son rang ni sa fortune, car cette fortune doit lui appartenir maintenant. Julie peut maintenant se montrer aussi dure et aussi entêtée que lui. Je lui écris, et je crois que si elle avait reçu ma lettre à temps, elle serait peut-être restée. Mais voici une lettre d'elle où elle annonce qu'elle va venir aussitôt. Elle sera sur son départ au moment où ma lettre arrivera, et je suis certain qu'elle ne changera pas désormais de résolution. Je ne vois pas qu'on puisse l'empêcher de venir, si cela lui plaît. Je crois qu'elle sera peut-être mieux là-bas. Mais lisez ce qu'elle dit. Vous ferez bien d'omettre le commencement. Ce n'est pas qu'il y ait aucun secret, mais c'est tout au sujet de son mari et de ses derniers moments, et cela ne pourrait vous faire que de la peine. Harry n'aurait pas demandé mieux que de tout lire, mais il fit ce qu'on lui disait et il commença la lettre à l'endroit que Lady Clavering avait marqué avec son doigt. Julie écrivait « Je dois partir le 3 et je ne m'arrêterai pour passer la nuit qu'à Turin et à Paris. Je serai en Angleterre le 8 au soir. Je n'emmènerai avec moi que ma femme de chambre et un des domestiques de mon mari qui désire revenir avec moi. Je désire qu'on me retienne des appartements à Londres. J'espère que Hughes voudra bien me rendre ce service. Moi, je suis sûr qu'il n'en voudra rien faire. » dit Lady Clavering, qui le suivait du regard pendant qu'il lisait. Harry ne répondit pas, mais continua de lire. « Il ne me faut que 2 salons et 2 chambres à coucher, une pour moi et une pour Clara. Je tiendrai à voir cet appartement près de Piccadilly, autant que possible. Vous pouvez m'écrire 2 lignes ou m'envoyer un télégramme à l'hôtel de Bristol à Paris. S'il y a quelque empêchement et si je ne reçois pas de réponse, j'irai au Palace Hotel et dans ce cas, je retiendrai les appartements par un télégramme de Paris. » « Dois-je m'arrêter là ?» demanda Harry. « Vous pouvez continuer et voir les raisons qu'elle donne pour expliquer son arrivée ici. » Harry continua et lut. « J'ai déjà beaucoup souffert, et naturellement, je pressens que je dois souffrir encore davantage. Mais je suis résolu à affronter le danger sans hésitation. On m'a donné à entendre qu'on tâchera de faire annuler le contrat de mariage. Qui peut avoir eu cette idée ?» s'écria Harry avec vivacité. Lady Clavering soupçonnait bien qui ce pouvait être, mais elle préféra garder le silence. Harry continua. « Je crois la chose à peine possible, mais si on l'essaye, on trouvera à qui parler. J'ai rempli mon devoir de mon mieux. Je l'ai rempli dans des circonstances qui, je puis le dire, étaient horribles, et je continuerai d'agir ainsi. Nul ne dira que j'ai honte de me montrer et de réclamer ce qui m'appartient. « Vous pouvez vous arrêter là, » dit Lady Clavering. « Le reste n'a aucune importance. » Harry, repliant la lettre, la rendit à la sœur de Julie. « Sir Hughes est absent, » reprit-elle, « et partant, je n'ai pas pu lui montrer cette lettre à temps pour qu'il lui fût possible de faire quelque chose. Mais du reste, je sais très bien qu'il ne voudrait rien faire et qu'il la laisserait aller à l'hôtel de Londres. Pourtant, ce serait de la dureté. Qu'en dites-vous, Harry ? Une extrême dureté, à mon avis. Ce serait un triste accueil à lui faire à son retour. Vous avez raison. Mais n'irez-vous pas vous-même au-devant d'elle ? Lady Clavering rougit avant de répondre. Bien que Sir Hughes fût un tyran envers sa femme et connu pour telle, et bien qu'elle sût que la chose était publique, elle n'en avait jamais rien dit à aucun des Clavering. Alors seulement, elle se voyait forcée de l'avouer. « Il ne me laisserait pas partir, Harry, » répondit-elle. « Je ne pourrais y aller sans le lui dire. Et si je le lui disais, il me le défendrait, à coup sûr. » « Va-t-elle donc rester seule à Londres sans un ami ? J'irai la rejoindre aussitôt qu'il me le permettra. » « Je ne pense pas qu'il s'y oppose dans quelque temps. Mais il ne me permettrait pas d'aller la recevoir à présent. Cela me paraît bien dur. Quant à l'appartement, j'ai pensé, Harry, que vous voudrez bien vous en occuper. Après tout ce qui s'est passé, j'ai pensé d'abord que je ne pouvais pas m'adresser à vous. Mais je me suis rappelé que vous êtes fiancé à une autre. C'est comme si vous étiez marié. Je me serais bien adressé à Archibald. Mais cela aurait fait une affaire entre Hughes et lui. Et à vous parler franchement, vous êtes à mes yeux plus mon beau-frère que ne l'est Archibald. Archie est-il à Londres ? Son adresse est au club, mais il est probablement à la chasse avec son frère. En tout cas, je ne veux pas lui en parler. J'avais pensé qu'il irait au-devant d'elle. Julie ne l'a jamais aimé. Et après tout, elle ne se souciera pas beaucoup qu'on aille au-devant d'elle. Elle a toujours été indépendante dans ses allures. Elle peut se tirer d'affaire toute seule mieux que beaucoup d'hommes ne le feraient. Mais ce que je vous demande, c'est de lui retenir un appartement. Une veuve qui revient dans son pays, une femme qui se trouve dans sa position, se trouve mal à l'aise dans un hôtel. Je vous promets de m'en occuper. J'y comptais bien. Vous aurez le temps de m'informer de vos arrangements afin que je lui puisse écrire à Paris. Nous avons encore une semaine devant nous. Harry ne voulait pas partir aussitôt pour Londres. Il avait résolu non seulement de retenir l'appartement, mais aussi d'aller au-devant de Lady Ongar à la gare du chemin de fer. Il n'en dit rien à Lady Clavering, qui aurait pu ne pas l'approuver, mais sa résolution était prise. Il avait tort, sans doute. Dans des cas pareils, un gentleman doit faire ce qu'on lui demande et rien de plus. Mais il alléguait pour s'excuser ce que Lady Clavering elle-même lui avait dit. Il était presque un homme marié, et partant il n'y avait aucun inconvénient à ce qu'il montrât des égards à la belle-sœur de son cousin. Mais il ne voulait pas faire deux fois le voyage de Londres, ni s'absenter toute une semaine pendant ses courtes vacances. Voici donc l'arrangement qu'il fit accepter à Lady Clavering. Elle écrirait de suite à Paris, et pour lui, il ne partirait pour Londres que dans 3 ou 4 jours. Il prit alors congé de Lady Clavering, qui ne le laissa pas partir sans ajouter une recommandation. « Vous feriez mieux, je crois, de ne pas dire un mot de tout cela au presbytère. » Harry, sans attacher à cela beaucoup d'importance, promit de se taire. Il partit ensuite et se promena longtemps dans le parc, songeant à toute cette affaire. Il n'avait pas revu Julie depuis le jour où il avait erré dans le même parc, en proie au désespoir, après lui avoir dit adieu dans le jardin. Que d'événements s'étaient passés depuis lors. Elle avait fait un brillant mariage. Elle était devenue comtesse. Elle revenait à 7 heures et revenait avec une réputation compromise. Elle se voyait presque rejetée par ceux qui avaient été ses amis les plus chers. Mais elle avait un titre et de la fortune, et se retrouvait de nouveau libre et maîtresse d'elle-même. Il ne pouvait s'empêcher de penser que c'était pour lui une belle occasion s'il n'eût été fiancé à Florence Barton. Mais lui aussi avait eu une année pleine d'incidents. Après avoir failli mourir de désespoir, il se le disait du moins, il était revenu sur l'eau, c'était son expression, et maintenant il voguait à pleine voile sur le courant d'un amour profond et irrésistible. Et quand même il n'aurait pas eu d'autre amour, une comtesse venue avec une réputation flétrie pouvait-elle convenir à son ambition uniquement parce qu'il lui apportait un riche douaire, dépouillé du misérable à qui il s'était vendu? Non, assurément. Il ne pouvait plus être question de renouer les liens rompus jadis entre eux. Il n'aurait pu en être question même s'il n'eût été embrasé de cet amour dont la flamme s'était allumée dans les bureaux de M. Barton lorsqu'il était son apprenti. Non, il ne pouvait désormais y avoir plus rien entre lui et la jeune veuve, comtesse d'Ongar. Malgré tout, il tenait à la voir à Londres. Il éprouvait quelque orgueil à penser qu'il serait le premier à toucher sa main quand elle reviendrait après tant de souffrances endurées. Il se montrerait pour elle plein d'égards et d'attention, et ne s'épargnerait aucune peine pour lui être agréable. Quant à ses appartements, il veillerait à ce qu'elle pût y trouver tout le confort désirable, et il se prit à souhaiter, presque sans s'en apercevoir, qu'elle s'aperçût de tout le mal qu'il se serait donné pour elle. Julie savait-elle qu'il était fiancé à un autre? Telle était la question qu'il se faisait alors. Lady Clavering en était instruite depuis 3 mois et probablement en avait parlé dans ses lettres. Peut-être n'en avait-elle rien dit. Les deux sœurs n'avaient pas correspondu assidûment et il souhaitait presque que Julie l'ignorât. « Je n'aimerais pas, se disait-il, à lui parler au sujet de Florence. » Il était bien singulier qu'ils en vinssent à se rencontrer dans de telles circonstances, après tout ce qui s'était passé entre deux. Lui viendrait-il à l'esprit que Harry était le seul homme qu'elle eût jamais aimé? Car à coup sûr, elle n'avait jamais eu d'amour pour son mari. Ou bien serait-elle trop préoccupée par des idées plus positives pour s'occuper de pareils souvenirs? Elle lui avait dit un jour qu'elle était vieillie avant l'âge, et il n'avait pas de peine à le croire. Alors il se la représenta en vêtements de deuil, pâle, triste, amaigri, mais encore fière et belle. Il avait raconté à Florence son premier amour pour l'épouse de Lord Ongar et lui avait dit quelle joie il ressentait de ce que cet amour avait été tranché dans sa fleur. Il aurait aussi à raconter à Florence cette entrevue avec Julie et il pensait à la comparaison qu'il allait faire entre la beauté jeune et radieuse de sa fiancée et les charmes flétris de la comtesse veuve. En somme, il était fier de la mission qu'il avait reçue car il aimait à croire qu'il était de ceux à qui il n'arrive que des choses extraordinaires. S'il avait quelque chose à reprocher à Florence, c'est qu'elle s'était trouvée sur son chemin d'une façon si ordinaire. « J'ai lieu de croire que c'est notre vie monotone qui vous pèse, » lui dit son père, quand il annonça son intention de partir pour Londres, tout en ne répondant pas d'une manière évasive aux questions de M. Clavering. « Non, mon père, ce n'est pas cela, » répondit Harry avec vivacité, « mais j'ai une commission à faire pour une certaine personne, et il ne m'est pas permis de vous dire de quoi il s'agit. » « Encore un secret, Harry ?»« J'en suis bien fâché, mais c'est un secret. Ce n'est pas ma faute s'il en est ainsi, c'est tout ce que je puis vous dire. » Sa mère et ses sœurs lui firent aussi quelques questions, mais voyant son air de mystère, elles ne crurent pas devoir insister. « Naturellement, il s'agit de Florence, » dit Fanny. « Je parierai qu'il va la rejoindre. »« Que voulez-vous parier, Harry, que vous mènerez Florence au spectacle avant de revenir ici ?» Harry ne répondit pas et dès lors on fit trêve aux questions. Il partit pour Londres et loua un appartement dans Bolton Street. Il se composait d'un joli petit salon clair et frais, d'une salle à manger et d'une vaste chambre à coucher dont les fenêtres ouvraient sur les jardins d'un grand seigneur du voisinage. Harry s'occupa de tous les détails de l'aménagement, prit ses mesures pour que tout fût propre et en bon ordre. Il demanda à l'hôtesse si elle pouvait répondre de son cordon bleu. « En répondre, c'est qu'à celle-ci, sans aucun doute. » La vieille Lady Dimdaff avait occupé pendant 2 ans cet appartement, et nul au monde n'était si difficile que Lady Dimdaff en fait de cuisine. « Lady Ongar aurait-elle sa voiture à elle ?» demanda à son tour l'hôtesse. Harry ne pouvait répondre à cette question. Vint ensuite la question d'argent, et ce fut là que Harry eut besoin de toute sa diplomatie. La somme demandée lui paraissait énorme. 180 francs par semaine. C'était là ce que Lady Dimdaff avait toujours payé. Harry renonça à marchander davantage pour la comtesse, qui après tout serait parfaitement indifférente à cette question d'argent, et il accorda ce qu'on demandait. Néanmoins, 25 francs par jour, rien que pour le logement, lui paraissait une grosse somme. Il songeait, lui, à se marier et à se mettre en ménage avec une somme bien inférieure, pour faire face à toutes ses dépenses. Cette besogne terminée, il avait écrit à Lady Clavering et envoyé un télégramme à Paris. Il avait même eu l'intention d'écrire à Lady Ongar, mais le moment venu, il avait renoncé. Il avait signé la dépêche à H. Clavering. Elle pouvait donc, si elle voulait, l'attribuer à Hughes Clavering, son beau-frère. Il ne résista pas à la tentation de donner des soins particuliers à sa toilette avant de partir pour Victoria Station. Il se disait que c'était ridicule, mais peu lui importait d'être ridicule. Pendant toute l'après-midi, il ne put penser à autre chose qu'à l'entrevue qui approchait. Il était bien résolu à tout dire à Florence, mais si Florence avait connu l'état actuel de son esprit, elle n'eût probablement pas été contente de lui. Le train arrivait à 8 heures du soir. Il dîna au club et retourna chez lui pour donner un dernier coup d'œil à sa glace. La soirée était très belle. Il prit néanmoins une voiture de place pour ne pas aborder Lady Ongar avec une chaussure souillée ou ternie. Il avait loué pour elle une voiture bourgeoise, ne voulant pas pour sa dignité qu'elle se rendît en fiacre dans sa nouvelle demeure. Il se trouva à la gare à une bonne demi-heure avant l'arrivée du train et éprouvait une véritable agitation de ne pas la voir paraître. À 8h10, on aurait pu le voir à l'entrée de la station cherchant d'un œil inquiet la voiture qu'il avait louée. Elle était là, sans doute et bien à temps. Pourtant, Harry était dépité de n'avoir pu placer cette voiture de telle sorte que Julie pût y entrer sans quitter la plateforme. Enfin, un coup de sifflet aigu annonça le train et Harry Clavering sentit un frisson courir par tout son corps. Le train s'avança et Harry était là, debout, s'attendant à voir la tête de Julie Brabazon sortir de la première portière qui frappa ses regards. C'était la tête de Julie Brabazon et non celle de Lady Ongar qui l'avait présente à l'esprit. Mais il n'aperçut absolument aucun indice de sa présence jusqu'au moment où le train fut complètement arrêté et la plateforme était déjà inondée de passagers qui n'avaient pas encore découvert celle qu'il cherchait. Enfin, il rencontra dans la foule un homme en livrée et apprit de lui qu'il était le domestique de Lady Ongar. « Je suis venu au-devant de Lady Ongar, » dit Harry, « et j'ai amené une voiture pour elle. » Le domestique chercha sa maîtresse et Harry offrit son bras à une femme de haute taille vêtue de noir. Elle avait un chapeau de paille noire avec un voile, mais ce voile était si épais que Harry ne pouvait apercevoir ses traits. « Êtes-vous Monsieur Clavering ? » dit-elle. « Oui, » dit Harry, « c'est moi. Votre sœur m'a prié de vous retenir un appartement et comme je me trouvais en ville, j'ai cru devoir venir au-devant de vous pour voir si vous aviez besoin de quelque chose. Dois-je retirer votre bagage ? » ?»« Non, merci. Mon domestique s'en chargera. Il sait où le trouver. » « J'ai commandé une voiture. » « Dois-je la montrer à votre domestique ? Peut-être voudrez-vous me permettre de vous y conduire. Ces gens sont si stupides. On n'a pas voulu me la laisser amener jusqu'ici. » « Tout est pour le mieux. C'est bien de la monter à vous. L'appartement est dans Bolton Street. J'ai le numéro sur moi. Je vous suis très obligé. » Elle refusa de prendre son bras. Il marcha donc devant elle et resta debout près de la voiture pendant qu'elle y montait avec sa femme de chambre. Il lui serra la main à travers la portière. Ce fut là tout ce qu'il vit d'elle. Ce furent toutes les paroles prononcées entre eux deux. Quant à son usage, il ne l'avait pas même entrevue. Tout en retournant chez lui, il se disait que cette entrevue n'avait pas été satisfaisante. Il eût été embarrassé de dire ce qui lui manquait, mais il n'était pas content de ce qui s'était passé. Il se consola néanmoins en pensant que c'était Florence Burton et non pas Julie qu'il avait réellement aimée. Lady Ongar ne l'avait pas invité à venir la voir, et il avait résolu de retourner chez lui le lendemain sans passer près de Bolton Street. Il avait tracé d'avance le portrait qu'il ferait à Lady Clavering de sa sœur, mais après la manière dont les choses s'étaient passées, il avait résolu de ne pas dire un mot de son entrevue. Il ferait mieux, il n'irait pas du tout dans la grande maison. Il avait fait la commission de Lady Clavering. Cela lui avait coûté quelques peines et quelque argent. Il s'en tiendrait là. Lady Ongar ne parlerait pas de leur entrevue dans ses lettres. Peut-être même, elle ne se souviendrait pas de l'avoir vue. Considérant le cas qu'elle avait fait de lui et la reconnaissance qu'elle lui avait témoignée, le sommelier de son cousin aurait pu aussi bien s'acquitter de la commission. Ce fut dans ces sentiments qu'il retourna chez lui, s'applaudissant de la bonne fortune que lui avait donnée Florence Burton pour être sa femme au lieu de Julie Brabazon.